hills of San Salvador, where I saw the sky ripped open, the rain pouring through a gaping wound, pelting the women and children, pelting the women and children who run, who run into the arms. Et ouais, en cette 285e édition de Pop and Rock sur la très locale RVR, une petite envie de retrouver mes amours estudiantines. Et c'est le trop rare Bullet in the Sky, issu du premier décevant U2, l'américain Joshua Tree, que j'ai tiré cette rare perle. Le reste des titres a été fait en 87 pour ouvrir le marché ricain aux Irlandais belliqueux. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. I can't believe the news today. 20 ans après la sortie de Joshua Tree en 2007 donc, une édition Deluxe ressort. Alors rien de nouveau sur le premier album, on retrouve toutes les daubes américaines. Par contre, ils sortent un deuxième disque dans la même collection avec ce que l'on appelait alors que des faces B. Et dessus, on retrouve des titres qu'on adorait, enfin du moins qu'on adorait au tout début de U2. Et notamment, un titre que je vous propose tout de suite, le merveilleux, le splendide Spanish Eyes. Écoutez. Spanish Eyes, substantifique moelle de U2, n'était qu'une face B et n'avait pas connu les paillettes des albums trop brillants des U2 ricains. Mais bon. I never. Eh ouais, le Billy Corgan est toujours là et peut-être plus que jamais en 2024 grâce à la sortie de Hagore Morimei ou quand les Smashings originels renaissent. Thank you. Y a Healing, une première piste de nouvel album des Smashing Pumpkins, mais c'est pas le seul, écoutez. En général, quand je vous fais découvrir un nouvel album, je prends les titres que je préfère, ceux dont l'intro me plaise vraiment, ou bien tout simplement ceux qui me font le plus secouer la tête. Et bien là, pour ce disque-là, pour le nouveau Smashing Pumpkins, pas du tout. J'ai commencé par Eden, la piste 1, à l'instant c'était Pentagrams, la piste 2. Et pour continuer, ben, on va faire classique, piste 3, Saigomai, du dernier album des Smashing Pumpkins. Aussi de temps en temps sur les fréquences de Ample Puits. So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right through. So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. oui, soyons clairs, aujourd'hui c'est la rentrée de Pop'n Rock, c'est le premier numéro depuis ses grandes vacances. Alors on rattrape notre retard, et en août ce sont les Fontaines D.C. qui ont sorti leur nouvel album. Romance, le nouvel opus des Fontaines D.C., je le découvre petit à petit, et si la couleur des 12 Irlandais est bien là, ils arrivent malgré tout à me surprendre tout en me plaisant, comme dans Starburster qui arrive tout de suite. Shit's funnier than any egg class in it. I wanna talk with a clown who has apologies down. I pay him £300 to take a class in it. Wanna bite the phone, I wanna bleed the town. I wanna see you alone, alone, alone, alone. Wanna straighten the shack or find me somewhere to pack. I don't like when it's stack, it's stack, it's stack, stack. You stacks the belt, make it feel like peace in a way. Compliments around. Constellation got a twist to it. For a GBO and all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary. I wanna talk with a gag, if it's a bottle of bag. I wanna strike with a sag and eat the friends from it. I wanna make the mag, I wanna shot the dag. I wanna live the ag, I call the ants on it. I wanna take the truth without a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna kill, overhanded and a turned up challenger. I wanna keep all your charm in a canister. You and Spire look the same, did Salinger. I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I love the carry-on, who's a real scavenger. It's my own tyranny keeping me from me. it be for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, shot to top, 1, 2, 3, swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Et ouais, comme pour les Smashing Pumpkins, la découverte se fait piste par piste tellement les Fontaines d'ici arrivent à chaque titre à nous faire danser. Et à présent, voici Hear the Things, qui pour moi sera le tube de cet album. C'était les trois premières pistes du nouvel album des Fontaines d'ici. Soyez sûr que les autres titres viendront bientôt illustrer d'autres pop and rock. Start Smashing Pumpkins, après le dernier album des Fontaines DC, voici le nouvel opus offert par Travis. On and on and on and on, I don't believe. C'est bientôt la fin de notre 285e Pop & Rock. Une petite pensée pour Nida. I keep my heart under the floorboards, deep in the dark, far away from yours. A panic starts in a little box when you're at my door, and it's fine. Now I let it feel it screaming. It knows what you come for. Before ya, your pale blue eyes trigger innocence, invite to euphoria. Then it drops, and I'm not to hear it laughing. My heart will destroy us. Your silhouette and my door. she telephone that says goodbye. Love runs its course, a mark on a scoreboard. So I nailed my heart under the floorboard. Heart, what is it I hear? I'm moving towards the fear, and it won't still feel you call my name. Heart, what is it I feel? I'm moving past the real, and it won't still hear you call my name. You're in my brain, I still say my name. And in my brain, you call my name. You're in my brain, I still say my name. And in my brain, you call my name. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous.